Allez. C'est bon. T'enregistres pas cette semaine, si? Non, pas cette semaine. Non, c'était la semaine dernière avec. Ouais, il y en a un qui est sorti là. Avec Steph. Avec Steph, ouais, on a déjà enregistré le suivant avec un invité que tu connais et qui peut-être est ici avec nous. je te laisse deviner qui ça pourrait être. Laurent? Ah, presque. Laurent? Ah, putain, je vois pas. Est-ce qu'il c'est un YouTuber? Ouais. Il fait tout à l'iPhone, ce gars, apparemment. Enfin, assez impressionnant, ouais. Il est... C'est un beau gosse? Écoute, j'ai eu l'occasion de passer une journée avec lui et j'avoue, je n'ai pas été insensible à son chat. Est-ce qu'il a moins de cheveux que moi? Étonnamment, oui. Marvelicious, je parle méga vite, mais c'est un épisode spécial qui n'a rien à voir avec le Marvel Universe, Cinematic Universe ou avec les BD, puisque la plupart connaissent ma passion aussi pour Star Wars et j'ai pu enregistrer déjà des podcasts Star Wars avec Tony et Johan et d'autres sur le podcast DLP Podcast qui est d'ailleurs au point mort. Maxime, si tu n'écoutes n'oublie pas qu'il faut le relancer, hein, merci. il va râler quand il va entendre. Et je suis avec deux invités de prestige. Alors, je ne sais pas quelle ordre je vais choisir. Je vais commencer par Olivier. Allez, des fois, j'ai fait toi, Tony. Donc, je vais faire Olivier. Ouais. Bonjour, Olivier. Bonjour. Olivier in Wonderland. Yes. Alors, Wonderland, mais il est aussi fan de Star Wars, même inconditionnel. Ouais, tout à fait, depuis que je suis tout petit, en fait. Justement, ta passion Star Wars date depuis quand? Depuis que j'ai vu au cinéma l'Empire contre-attaque à sa sortie. Le meilleur, du coup. Oui, le meilleur film de tous les temps. Oui. Je pense que c'est le film que j'ai le plus vu dans ma vie. C'est vrai? Ah ouais, c'est un nombre incalculable. Moi, je crois que c'est. J'hésite entre The Mask et Retour vers le futur. Je sais plus. Ah, je les ai vus beaucoup aussi, mais. Ouais. The Mask était bien, quoi. Voilà. Ouais, et donc du coup alors je pose à chaque fois la question, alors je connais Tony, t'es plutôt Jedi ou Seigneur Sith? Ah bah on va dire Jedi, même si Alors du coup quel est ton Jedi préféré? Ah, c'est difficile à dire. Moi j'aime beaucoup Obi-Wan, en fait. Ouais, bien joué, c'est bien choisi. Et Tony, bonjour Tony. Bonjour, ben moi j'attends la suite, je voudrais bien voir Obi-Two. Oh la vache. Et oui, ça commence par. Voilà, il attaque direct. Obi-Wan. Ça s'écrit pas pareil, mais ça se prononce pareil. Voilà. Pareil. Tony, ça y est, alors là tu vas pouvoir te lâcher parce qu'on te bride. Hein, ça y est. Étant un de tes fidèles auditeurs de ton podcast. J'ai une tribune pour parler de Star Wars, ça y est. Voilà, enfin. Donc. Olivier, on est d'accord qu'il est très bridé. Ça relève de la castration limite, tu vois. C'est vraiment vocal, je précise. Ouais, je souffre en fait à chaque fois de ça. C'est compliqué. Je suis content d'en parler aujourd'hui avec vous. Ça me fait du bien. Donc voilà, tu vas pouvoir te lâcher. C'est un sujet, donc, le comme je vous disais en off, donc, le podcast sortira soit fin juin ou début juillet. Je vais enregistrer plusieurs épisodes bonus pendant les vacances en avance avec des sorties programmées. Et du coup, j'ai décidé de le consacrer parce que vu que la saison 3 du Mandalorian est passée, puisqu'il est. On a tous les épisodes maintenant sur Disney+. Du parler de Mandoverse, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, on a vite compris qu'on allait avoir un Mandoverse. Alors, Tony, c'est quoi le Mandoverse ? Raconte-nous. Eh bien, écoute, il y a bien longtemps, dans une galaxie lointaine, très lointaine, quelques années après le retour du Jedi, ben en fait, l'Empire... Et on ne parle pas des oignons. Non, effectivement. D'ailleurs, si on oublie de prendre de l'ail, c'est difficile de faire certains plats dans la cuisine, notamment les pains à l'ail du colonel Attis, mais on est complètement hors sujet. Non, aussi, Obel a noté. Hein. Obel a noté aussi, c'est vrai. C'est à noter. C'est à noter. Donc, le Mandoverse. Non, en fait, le Mandoverse, en fait, c'est tout un, c'est ce qu'on a, c'est un ensemble en fait de séries. Bon, alors pour l'instant, on en a vécu une principalement, mais c'est un ensemble de séries qui va en fait se dérouler. Donc, je crois que c'est 16 ans après la fin du retour de Jedi. Donc, l'Empire est tombé. Il y a quelques vestiges de l'Empire qui traînent, et il y a surtout beaucoup de gens qui essaient de combler l'espace vide. Et c'est là qu'on va suivre en fait Din Djarin, qui est un Mandalorien. Alors, il faut savoir que c'est un Mandalorien du peuple Mandalorien physiquement, mais qui est de l'ordre Mandalorien, hein, puisque les Mandaloriens pure souche sont morts il y a à peu près 200 ou 300 ans par rapport à où on se trouve maintenant. Donc, ce qu'on appelle les Mandaloriens maintenant, c'est principalement les gens qui vivent selon les préceptes de Mandalore. Voilà pour situer un petit peu. Ouais, après, c'est pas arriéré quand même de Mandalore, hein. Les vieux préceptes. Voilà. J'ai plus l'impression que c'est un côté conservateur de. Ah ben en fait c'est ça, parce qu'il est en fait il y a plusieurs branches dans les Mandaloriens, principalement il y a les Nat Hall dont on parlera peut-être un peu après, et la Death Watch qui était vraiment des, enfin ils étaient très très on va dire croyant dans les préceptes de Mandalore. Notamment, c'est un des points centraux de la série, c'est ne pas enlever son casque. Et en fait, la Death Watch, c'était en partie ceux qui avaient servi Darth Maul. Et en fait, les... Voilà, ceux qui sont maintenant dans le groupe de Din Djarin, ben en fait, c'est des héritiers de la Death Watch. Et donc, c'est pour ça qu'ils sont très, très à faire tout selon le credo. Et c'est vraiment un des thèmes centraux de la série. Alors, pour une partie de la série, évidemment, c'est pas le seul sujet de la série. Mais c'est un truc assez important. T'as quand même quelques épisodes, ouais. Justement, enfin, un particulièrement, où tu vois bien que avec Bo-Katan, Surtout saison 3, hein, le début de la saison 3 est très tourné vers ça, et ce que je trouve plutôt intéressant en fait. Et puis ce qui est cool aussi, c'est qu'on arrive à voir les différentes croyances mandaloriennes se réunir, et c'est plutôt sympa aussi. C'est vrai que cette saison 3 est concentrée sur le peuple mandalorien et leur planète, et plutôt que comme la saison 1 et 2 qui est vraiment centrée sur Mando et puis l'orphelin Grogu, qui s'appelle maintenant plus Grogu, enfin, si, ouais. Jean Grogu. Ouais. Voilà, on peut spoiler. Ouais, on peut là. Bon, on peut là, c'est bon. Oui, c'est bon. Par du principe que les gens l'ont vu. Alors, du coup, Olivier, t'en as pensé quoi de cette saison 3 ? Alors, cette saison 3 m'a vraiment impressionné visuellement déjà dans un premier temps. Je trouve qu'on s'en prend plein la figure pratiquement à tous les épisodes. Ils sont épiques, il y a des effets spéciaux assez impressionnants. Ils ont mis le paquet là, en point de vue financier, je veux dire. Ça m'a beaucoup impressionné. Après, il y a des épisodes un petit peu bouche-trou, en fait, comme on avait dans les saisons précédentes. C'est un peu la marque de Filoni, ça, non? Bah, en fait, c'est un peu, ça fait penser aux séries que tu avais dans les années 90, en fait, où, oui. Où tu avais, un peu comme X-Files, si tu veux, sur une saison, tu avais des épisodes entiers avec un fil rouge. Une histoire qu'on suivait, et puis entre ces épisodes, tu avais ce qu'on appelle des Looners, je crois, des épisodes avec une histoire qui se tient sur un seul épisode sur 40 minutes et qui sont pas toujours, c'est vrai, passionnants, qui font un peu bouche-trou dans le cas de la saison 3 du Mandalorian, quoi. Mais j'ai vraiment pris énormément de plaisir parce que je m'en suis pris plein la figure, en fait, visuellement. Et voilà. C'est surtout ça qui m'a... qui t'a et le scénar, ça va, ça t'a, tu l'as quand même apprécié quand même, mais à mise à oui, part oui, l'épisode de Bouchereau. Oui, oui, oui. Après, oui, bien sûr, oui, j'ai bien aimé la saison. Hein, c'est, y a pas de souci. Tony, alors toi, t'en pensais quoi? Bah pareil, j'ai beaucoup aimé. Et en fait, j'ai bien aimé retrouver du coup ces épisodes un peu filler comme ça, qui venaient juste faire du contenu pour la saison. Parce qu'au final, il était quand même d'assez bonne qualité. Je pense notamment celui où on voit Christopher Lloyd et Jack Black et apparemment la chanteuse est connue aussi, mais je connais pas du tout. Enfin la femme c'est Lizzo, je pense. J'avoue je connais pas trop. Du coup c'est, enfin moi c'est un épisode que j'ai beaucoup aimé. Justement le côté un peu policier machin, c'était vraiment très très années 90, enfin du coup 90. C'était plutôt sympa. Et puis ce qui est bien c'est qu'on a quand même bien avancé dans l'histoire aussi, hein, malgré les quelques épisodes un peu plus entre guillemets mous, on a quand même bien avancé là-dessus, et honnêtement c'est quelque chose qui m'a bien plu. J'ai vraiment bien aimé la saison, autant la saison 2 à certains moments je la trouvais un peu légère, autant ici j'ai vraiment accroché sur les 7 épisodes, 8 épisodes qu'on a eu, hein, 8 je crois, j'ai bien accroché et ouais, c'était pas mal. Et puis au final, on a quand même vachement bien avancé dans l'histoire. Honnêtement, oui. Comparé à la saison 3... Plus vite que dans la saison 2, où t'avais quand même 3-4 épisodes d'affilée, où tu t'avançais pas dans l'histoire. Là, comme tu dis, t'as l'impression d'avancer quand même. Ouais, bah, c'est ça. Et si on compare à la dernière série qui était sortie, qui était le livre de Boba Fett, on est largement au-dessus. Voilà. Oui, justement. Les derniers épisodes de Boba Fett étaient quand même exceptionnels. Oui, c'était très bien, oui, c'est clair. Mais la saison globale... Ouais, ça m'a bien distrait. Enfin bon, c'est pas le sujet. On va en parler justement. J'avais prévu d'en parler de l'épisode de la saison de Boba Fett, parce que j'ai pas fait. On devait en faire un, Tony, mais avec le boulot et tout, on l'a pas fait. Ouais. Donc c'est une saison 2.5 du Mandalorien. C'est vraiment voilà. Ça. Hein, c'est ça. Alors vous en avez pensé quoi? Juste moi, j'ai trouvé ça lent et tout au début. Par contre, dès que Mando est arrivé, je sais pas, c'était devenu super. Dès que Mando est arrivé, que tu commençais à avoir un peu gros goût, ce qui était devenu machin, etc. Au début, je me suis littéralement ennuyé dans Boba Fett. J'arrivais même pas. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi ça s'appelle Livre de Boba Fett. J'arrive pas à comprendre. Le premier épisode m'avait beaucoup plu, moi, par contre. Ouais, sur le retour de Boba Fett, entre guillemets, le retour à la vie était sympa. Le tout premier. Mais c'est vrai qu'après, c'est... Bah après, c'est une pseudo-saison 3 du Mandalorien. Hein. C'est la 2.5. Et le pire, c'est qu'ils appellent ça The Book of Boba Fett, donc ce qui fait qu'il y a des gens qui n'ont pas vu cette série-là, parce qu'ils n'étaient pas plus intéressés que ça. Par contre, ils n'ont pas compris, du coup, le début de la saison 3 de Mando, quoi. Et voilà. Pourquoi Grogu il est revenu? Alors en fait, il y a la moitié de la saison de The Book of Boba Fett qui est en fait The Mandalorian. Donc faut suivre un peu. C'était pas fou, je trouve. Je trouve que c'est. Enfin, ils ont voulu faire plaisir aux fans parce que Boba Fett c'est Boba Fett. On était tellement contents de le voir dans la saison 2 de Mando, ça a tellement bien marché. Mais là, c'est un gars, il fait un combat et puis je vais retourner dans ma cuve de bata pendant 3 jours et puis. Mais en fait, quand il arrive d'une Jarine, ça claque quoi. Il arrive, c'est pas pour faire pour être un suiveur quoi. Il arrive. Ouais, mais c'est ça en fait le truc, c'est que c'est vraiment c'est d'une Jarine qui lit. Il devient le personnage principal que t'en oublies Boba Fett. Ouais, vraiment, vraiment. C'est ça qui est triste en fait. Alors j'avais le livre de Boba Fett. Tu te dis c'est le livre de Boba Fett, puis d'une Jarine qui arrive, tu dis elle est où Boba Fett? J'ai quand même apprécié la série. C'est pas une grande série, mais bon, je me suis pas ennuyé, quoi. À part l'épisode. Oui, ça passe bien. L'épisode hallucinant quand même de course de scooter au ralenti. Avec les Power Rangers. Avec les Power Rangers. C'était hallucinant. Les Power Rangers, tu parles de ceux qui sont modifiés, ceux qui avaient des améliorations sur le corps. Ouais, c'est ça, les cyborgs. Ouais, mi-cyborgs. Tu te rappelles pas la course-poursuite ridicule qu'il y avait? Ouais, dans la rue. Sur les scooters volants là, et puis peut-être tout doucement. Enfin, c'est t'as pas du samedi, pas grand chose en fait au final pour dire à quel point. Moi ça m'a choqué en fait, parce que voir ça dans du Star Wars c'était triste quoi. Ouais, c'est clair. Moi j'ai bien aimé, c'est le moment où Din Djarin, tu le vois quand il va buter le mafieux là. Dès le départ, tu sais, dans cette boucherie, charcuterie, tu te dis tu le vois de dos, tu fais oh mon dieu, et puis il arrive, c'est pour péter des bouches quoi. Donc du coup, c'est ça quoi. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que on est dans une série sur Boba Fett et le plus badass c'est Din Djarin quoi. Alors, à ton avis, c'est fait exprès ou pas? Je me suis posé la question. Hein. Bah, le truc, c'est qu'à un moment justement, donné, oui, pour faire le Mandover, tu crois? Ils ont dû décider de le faire parce que, bah, au final, c'est sorti. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui a pris la décision de faire ça. Je me demande si peut-être qu'ils ont pas. Enfin, ils se sont peut-être dit que ce serait trop léger de faire une série que sur Boba Fett. Et que l'idée, comme à mon avis, ils avaient déjà l'idée à l'époque de créer le Mandoverse. Donc, ils ont dû rajouter du Din Djarin un peu dedans pour compléter, quoi. C'est un peu l'impression que ça m'a donné. Moi, j'ai pas l'impression que c'était pour combler. Hein. Je pense que c'était vraiment dans leur tête de faire. Dès le départ, Ouais. En fait, quand il est arrivé, c'était trop brutal. Et à la fin, je me suis dit, mais non, mais ça paraît évident. Parce que Boba Fett, il aura besoin à un moment donné de Din Djarin. Ouais, ça, ouais. Cette partie-là, ok. Ouais. Et après, tu te dis, bon, bah, en fait. Parce que j'ai une théorie. Vas-y. Je vous l'ai dit en off, mais j'ai une théorie. On a. Voilà. Alors, c'est peut-être débile ce que je dis, mais je vous demande d'être ouvert d'esprit. Vas-y. Moi, je pense que Disney va faire comme le MCU, c'est qu'ils vont faire un style d'Avengers Thanos, ça sera le throne, tu vois, on en parlait tout à l'heure, et ils vont faire un style d'Avengers où vont être nés Ahsoka Tano, le Mando. Ouais, enfin, c'est déjà. C'est peut-être débile ce que je dis. Non, c'est clair que ça va être ça. Moi, je pense sincèrement qu'ils sont en train de nous faire un Star Wars un Star Wars univers, tu vois. Et je pense que comme on va en parler tout à l'heure, mais du film qu'ils ont prévu, je reste persuadé que quand tu regardes les séries, à chaque fois t'as un personnage d'une autre série, tu vois. Ouais, bien sûr. Ahsoka, tu le vois aussi dans Boba Fett, tu vois. Mais c'est fait exprès, je pense, tu vois. Oui, c'était déjà prévu. Mais du coup, je reste persuadé qu'on aura un truc style Avengers, mais Star Wars. Mais c'est le but, hein. Honnêtement, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est ce qu'on va vers ça. T'as le film qui est prévu. On sait qu'il y a là en série, on a Ahsoka. Bon, il y avait normalement la série avec Cara Dune qui était prévue, bon, qui a été annulée suite au potentiel petit souci qu'elle a pu avoir. Oui, avec, et on sait dans la saison 3 ce qu'elle est devenue. Oui, voilà, c'est ça. On sait ce qu'elle est devenue. Donc ça, c'est. Elle est partie, je trouve que c'est bien qu'il l'ait amené. Force spéciale, je crois, dans les forces spéciales. Ouais, c'est ça. Ouais. Je trouve que ce soit bien qu'il l'ait amené. Donc du coup, il y a cette série là qu'on n'aura pas. Donc là ici, on sait qu'on aura donc Ahsoka. A priori, Skeleton Crew arrivera aussi là-dedans, même si elle sera un peu indépendante. Et on sait qu'il y aura un film qui terminera entre guillemets tout ça. Donc ouais, pourquoi pas avoir un genre d'Avenger avec Crow en grand méchant. Aurait, ouais. Je pense pas qu'il y aura un film. Je pense qu'il y en aura plusieurs. Bah si ça fait. La poule aux œufs d'or. La poule, n'oublie pas. La poule aux œufs d'or. Mando et Grogu, c'est la poule aux œufs d'or. Bah, tout va dépendre des succès d'Ahsoka et des autres séries. Hein. Ouais, c'est ce qui me fait un peu peur en fait, parce que Ahsoka, ça va pas parler. En fait, le truc, c'est que Mando, ça a créé un truc nouveau. C'est un nouveau truc, c'est la série. Tu regardes juste la série, c'est bon. Ahsoka, t'as pas vu Star Wars Rebels, t'as pas vu même peut-être Clone Wars. À mon avis, Rebels, ce sera le minimum, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont réintroduire tout le monde? Enfin, de ce qu'on voit dans la bande-annonce, t'as Traon qui arrive, machin. Ouais, je sais pas. Moi, je pense qu'ils vont faire quelque chose qui va être compréhensible par. J'espère. Par les novices. Bah, vaut mieux quand même. C'est leur intérêt. Hein. C'est. Ah oui, ouais, clairement. Enfin, mais si ils le font pas, ça va poser un problème. Quand tu dis à quelqu'un, bon bah, si tu veux savoir qui est Ahsoka, va regarder tes 10 saisons de Star Wars Clone Wars et tes 3 saisons de Rebels. Enfin, je sais plus combien, mais je crois que c'est pour. Les gens, ils vont pas aller voir ça. Hein. Enfin, c'est Ahsoka, nous on la connaît parce que voilà, c'était la Padawan de comment. Ouais, c'est ça, d'Anakin. D'Anakin. Donc voilà, mais quelqu'un qui regarde la série, enfin, moi, mon épouse, elle aime pas Star Wars, sauf Mandalorian. Voilà. D'ailleurs, elle dit elle-même, tant qu'il n'y a pas de Jedi et tout, elle aime bien, tu vois. Donc, vraiment. T'as l'impression que les gens aiment Star Wars quand il n'y a plus Star Wars. C'est plus de Jedi, plus rien. Le truc, c'est que Star Wars, c'est pas que les Jedi, quoi. Mais ils ont un peu massacré les Jedi depuis la première trilogie. Hein. Enfin... Oui, ça s'appelle l'Ordre 66. Hein. Oui, non, mais, exact. Mais ça marche pas pour tout le monde d'après la Bad Batch. Je trouve que c'est devenu la force. Mais dans tous les cas, tu vois, ça va faire bizarre quand même parce que tu te dis que les Jedi, c'est pas forcément les copains des Mandaloriens, de ce que j'avais compris, et inversement. Ça va faire bizarre aux gens qui ne connaissent pas Ahsoka parce que quand elle l'a vu, donc la première fois, c'est la saison 2 de Mando, qu'on la voit la première fois, mon souvenir. Moi, j'étais waouh! Vache et tout, il fallait que je lui explique qui c'était parce qu'il n'y a pas d'introduction, quoi. Elle arrive Mais t'as pas, voilà. Ou ça, peut-être qu'ils vont en parler dans la série, mais je suis pas forcément sûr, Olivier, qu'ils refassent une origin story. Je pense pas que ce soit l'objectif de cette série. Non, mais t'as pas besoin de faire une origin story pour comprendre qui est le personnage un petit non, peu. Non, mais ce qu'il faut, c'est qu'ils arrivent au moins à le réintroduire, quoi. Voilà. Alors justement, Ahsoka, c'est la série qui va sortir cette année, je crois. Elle sort en septembre, non, je crois. Je sais plus. Août, je crois. Août, c'est même pas juin. C'est août. Non, juin, c'est. Attends, je vais regarder. Secret Invasion. Ah oui, c'est ça, oui, effectivement, oui. C'est Marvel, ça. Mais, ouais, désolé. Non, parce qu'ils font gaffe à pas mettre les deux en même temps. C'est qui est con. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est mettre les deux en même temps. Ouais. Ça serait bien. Donc, ça serait bien. Mais du coup, justement, comment tu penses que ça va être. Ça va être quoi pour toi l'histoire, Tony, d'Ahsoka? Ah, la série. Je pense qu'ils vont. Le truc, c'est que, bon, on voyait dans la fin de Rebels, hein, ça va être la quête de retrouver Ezra Bridger. La dernière scène de Rebels, c'est ça, avec Sabine et Ahsoka, qu'on revoit aussi dans le trailer, cette scène qui a été refaite complètement. Et oui, clairement, ils vont repartir à la recherche de Ezra, mais s'ils cherchent Ezra, ils vont tomber sur Thrawn, puisqu'ils ont disparu ensemble. Donc potentiellement... Alors moi, j'ai une théorie qui est très particulière, c'est que potentiellement... Vas-y, c'est la théorie. Tu vois, Ezra aurait pu, à terme, se lier à Thrawn, en fait. Parce qu'ils sont partis pour loin dans les régions inconnues, que Thrawn lui vient de là, donc potentiellement il pourrait peut-être un peu s'être allié à lui pour survivre et que potentiellement ils auraient pu, avoir des créer des liens entre eux potentiellement. Le syndrome de Stockholm. Ouais, tu vois, un truc un peu dans ce genre-là. Alors peut-être pas à ce point-là quand même, tu vois, mais il pourrait peut-être y avoir quelque chose. Et je me dis que potentiellement, on pourrait avoir ça et que donc, ouais, par défaut, on retrouvait un, ce serait retrouver l'autre. L'autre solution, pour moi, ce serait que, bah, évidemment, Thrawn revient. On le sait, puisqu'on en a parlé dans Mando. J'oublie toujours le nom du général, mais qui travaille pour lui. Mais du coup, ouais, dans Mando, Gideon. On le sait. Quoi ? Non, c'est pas la... J'ai en tête l'amiral Rampart, mais je pense pas que c'est ça. Je sais plus comment il s'appelle. Ouais, enfin, à un moment donné, quand Gideon est dans la salle du conseil de ce qui reste de l'Empire, il y en a un qui parle de Thrawn. Et en fait, c'est le bras droit de Thrawn. En tout cas, de ce qu'on sait des. Comment Et d'ailleurs, quand il dit, bouquins. Tu sens une pointe de jalousie de Gideon à moitié, j'ai l'impression. Mais oui, clairement, parce qu'en fait, le truc, c'est que en fait, Thrawn a toujours été très spécial. C'est le seul grand amiral de l'Empire. Donc déjà c'est déjà pas rien, c'est le seul qui a un uniforme blanc et qui n'est pas du bureau de la sécurité impériale sur fond bleu oui. mais donc du coup il a une place très spéciale. On apprend dans les bouquins qui sont sortis là, de base, Thrawn, c'est un personnage qui vient de l'ancien univers étendu qui s'appelle maintenant Legends, qui vient de la série L'Héritier de l'Empire. Lisez-la, même si c'est du Legends, sur Thrawn. Ah, il y a eu trois bouquins de l'Héritier de l'Empire. Timothy Zahn qui les a écrits. Ouais. Tu les as lus, toi, Olivier, les bouquins? Oui, je les avais lus à l'époque. Ouais, pareil. Alors, dis-moi, sans trop spoiler, c'est l'histoire de quoi, ces bouquins? Je ne les ai pas lus. C'est la suite directe du Retour du Jedi. D'accord. La Renaissance. Oui. Il se passe peut-être plusieurs années après, je ne me rappelle plus trop. Oui, enfin, donc là, très longtemps. Et c'est la Renaissance de l'Empire avec Thrawn, en fait. Et du coup, c'est quoi? Ça tourne autour de ce personnage-là, du coup, si j'ai bien compris, là? La Renaissance de l'Empire. Oui, tout à fait. Oui, c'est le nouveau Dark Vador. D'accord. C'est le nouveau grand maître. Okay. Et c'est cette série qui était commandée par George Lucas. C'était quelque chose d'officiel. C'était validé par George Lucas. Ah, George Lucas a validé ces bouquins-là? Oui, tout à fait. Oui. Et est-ce qu'il y a eu des bandes... Alors, c'est plutôt Tony, t'es plutôt comics, toi aussi. Est-ce qu'il y a des bandes dessinées sur ce Il y en a eu, il y en a eu. Il y a eu des adaptations comics, oui. Ah, donc les livres ont été adaptés en comics Oui. Je peux. D'accord, ok. Ok, c'est intéressant ça. Il faudrait que vous me donniez tout à l'heure les liens que je retrouve. Ouais, c'est la série de l'héritier de l'Empire, tu trouves. Ouais, bah, je regarderai. Et en fait, le truc, c'est que Timothy Zahn, qui avait écrit ces romans-là à l'époque, a ressorti maintenant deux séries, trois romans sur. Timothy Zahn. Timothy Zahn. D'accord, Tizan. Il a. Ouais, c'est vrai qu'il dit comme ça. il a ressorti en fait deux séries, trois bouquins. Sur Thrawn. Donc c'est la première série, c'est comment il est arrivé au service de Palpatine. parce qu'il est plus au service de Palpatine que de l'Empire. Et la deuxième série, par contre, je l'ai pas encore lue, mais là, c'est plus comment il s'est, comment il est un peu retourné chez lui, parce qu'il vient en fait des régions inconnues, hein. Donc c'est, il est pas dans la galaxie connue de Star Wars. Il vient des régions inconnues qu'on a vues dans les derniers Jedi. Dans l'ascension de Skywalker sur Exegol. On est à peu près dans cette, dans ce coin-là. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui viennent de là-bas, hein, dans l'ancien univers étendu. La plupart des grandes menaces d'après l'Empire viennent de là. C'est plutôt intéressant à voir. Et je suis très très curieux de voir ce qu'ils vont faire du personnage dans la série, parce qu'on sait en fait tout ce qui lui est arrivé avant. Donc en gros, on a à peu près toute son histoire en parallèle de la fin de la République et des débuts de l'Empire. On connaît à peu près toute son histoire. À ce niveau-là. Puis on a eu son développement dans la vie de l'Empire avec la série Rebels. Donc là, maintenant, on va avoir sa vie après l'Empire, quoi. Et ça, je suis super intéressé. Croyez vraiment ? Enfin, moi, je pense pas qu'on le voit dans Ahsoka. Qui ça ? J'ai pas cette impression. Bah, Thrawn, c'est pas ça. Ah, si, la bande-annonce, tu le vois de dos. Ça va être le méchant de la série. Mais la bande-annonce est sortie quand ? Ah, oui, mais après, tu sais, des fois, regarde, ils mettent des bandes annonces Disney. Alors après, peut-être qu'il va arriver qu'à la fin de la saison, c'est possible aussi. Je sais pas. Alors, apparemment, il arriverait quand même assez tôt. Donc tu verras Ezra normalement, comme tu dis. Donc on le verra. Le truc, c'est qu'on sait pas en fait. D'accord. Ça se trouve, il l'a tué. Bam. Le truc, c'est qu'il y a. Il y a un acteur qui est casté pour. Ouais, il y a un acteur qui est casté pour le jouer, ouais. En fait, le truc, c'est que. Ah, justement, ceux qui ne savent pas qui est Ezra, parce que Ahsoka, on a expliqué, puis justement, Olivier, qui est Ezra ? Bah, c'est le personnage principal de Star Wars Rebels. C'est ça. Dans Star Wars Rebels. C'est ça. Et quel est le lien, justement, Tony, qu'a Ezra avec notre ami Ahsoka ? Ezra, c'est un gamin qui vit sur Lothal, qui est une petite planète de la bordure médiane, si je me souviens bien. Et du coup, on le découvre de comment il survit face à l'Empire. Et en fait, il se fait, entre guillemets, embrigader dans une équipe de rebelles. Parce qu'en fait, un des rebelles... J'allais dire bracassé, parce que c'était un peu ça au début de la série. C'est pas faux, ouais. Mais en fait, le truc, c'est qu'il a... il a une... cheveux de merde au début. Ouais, ça, c'est clair. Et il est force sensitive. Et c'est ça qui fait qu'il rejoint là-bas, parce qu'en fait, il y a un ancien Jedi qui est dans ce groupe-là. Alors, l'ancien Jedi en question, c'est le Jedi qu'on voit au début de The Bad Batch, au moment de l'Ordre 66. C'est le gamin qui sauve. Et le truc, c'est que malgré tout, ça, dans le canon, il y a une erreur. Il y a une incohérence dans le canon, parce que dans The Bad Batch, on voit qu'il survit d'une certaine manière. Et en fait, dans le comics qui est canon, le personnage, c'est... j'ai oublié. Le nom du Jedi, j'ai complètement oublié son nom. C'est pas possible. Je vois plus de qui tu parles. Mais le Jedi dans Rebels. Attends. Ah, c'est pas possible. Celui qui meurt là, c'est ça ? Ouais, c'est ça, ouais. Jarus ? Oui, c'est ça, Kanan Jarus. Voilà. Ouais, Jarus. Ouais. Merci. Je les ai pas tous vus, donc je vous laisse. J'ai regardé le début, après j'ai arrêté de regarder la série. Je vous laisse gérer là. Et donc en fait, il y a Kanan Jarus en fait qui en fait survit de deux manières différentes à l'ordre 66 selon si on regarde Star Wars The Bad Batch ou qu'on lit le comics. Donc ça c'est marrant. Mais donc en fait, lui se joint à une équipe de rebelles. Et en fait, ils font une mission sur Lothal, ils tombent sur Ezra, Ezra est force sensitive, je vais peut-être le prendre avec moi pour essayer de le sauver. Et puis petit à petit, ça devient son maître, etc. Il y a pas mal de trucs qui se passent, jusqu'au moment où il rencontre Fulcrum, donc qui est un agent infiltré, un agent des renseignements rebelles, qui est en fait Ahsoka. Qu'on redécouvre là, qui s'est donc engagé dans la rébellion. Et du coup, Ahsoka va permettre un peu à Kanan, parce que Kanan, en fait, était juste Padawan hein, au moment de l'Ordre 66, donc il n'a jamais eu sa formation terminée. Ahsoka va un peu terminer sa formation et un peu enfin du coup le prendre sous son aile pendant tout un temps. Alors il y a un super arc aussi avec Dark Maul qui est vachement sympa dans la série, où justement Ezra du coup voit un peu ce que c'est le côté obscur aussi, c'est plutôt pas mal. Ouais. Mais donc voilà, c'est un personnage assez important, et à la fin de la série. Est-ce que vous avez regardé toute la série Star Wars Rebels? Ouais. Ah ouais, c'est ma préférée moi, en animation. Ouais, pas loin. Je suis pas accroché. Pas loin, c'est pas, ça veut dire que c'est pas là. C'est pas c'est... En fait, le truc, c'est que je préfère certaines saisons de Clone Wars. Mais le truc, c'est que Clone Wars a duré beaucoup plus longtemps aussi. Il y a plus de bons épisodes dedans, tu vois. Ouais, voilà. Sur le... C'est sur le long terme, tu vois. Mais honnêtement, si on prend vraiment que la. Enfin, si on compare vraiment juste la série, clairement, c'est la meilleure en animation. Elle est vraiment top. Mais donc, ouais, donc du coup. Un des méchants, je crois que c'était deux dernières saisons de Rebels, ça devient donc Thrawn, le grand amiral, qui en fait du coup se bat contre eux et les poursuit. Et in fine, en fait, on se retrouve avec Thrawn et Ezra qui partent en hyperespace, avec notamment les espèces de baleines hyperspatiales qu'on aperçoit dans un des épisodes de Mando de la saison 3, que Grogu voit en fait en hyperespace. Elles sont capables d'aller dans l'hyperespace, ouais, c'est ça. Ouais. Naturellement, et c'est alors d'après ce qu'on a pu. Il y a que lui qui les voit, je crois. Il y a que Grogu qui les voit, oui. Ouais, il n'y a que lui. Et il regarde d'ailleurs, c'est quand il y a dans le ciel. Qui... Et donc on suppose que bah ouais, il y a un lien avec quoi, évidemment. Et en fait eux deux disparaissent dans un vaisseau avec une de ces baleines. Et c'est comme ça en fait qu'ils disparaissent. Et c'est là en fait que théoriquement devrait commencer la série Ahsoka avec Ezra, avec la recherche d'Ezra par Ahsoka et Sabine Wren qui est aussi une Mandalorienne elle. Voilà. Et ils ont dit donc du coup qu'on verrait sans doute Thrawn dès le début de la série. Alors, je trouvais ça bizarre. On le voit dans la bande-annonce, mais on ne sait pas quand est-ce qu'on le verra. Alors ok. Et justement, Olivier, comment tu penses que Mando et Grogu vont, enfin Jean Grogu maintenant, parce qu'on peut l'appeler Grogu, comment ils vont être intégrés à la série Ahsoka? Parce qu'on est dans le Mandoverse, donc bah, je pense. On a cette impression où Mando va faire le lien entre toutes les séries. C'est même, je pense, le cas. À ton avis, dans quelles circonstances on va le voir? Dans Ahsoka, je sais même pas si on va le voir dans cette saison en fait. Je pense qu'à terme, c'est ce que je suis pas sûr. J'espère qu'on le verra pas dans la saison. Je suis pas sûr. Ah, moi, je pense qu'on le verra. Bah, je pense pas moi. Peut-être dans une éventuelle saison 2. Mais... Ouais. Après, ça va. Le film, comme tu disais, au final, ils vont tous se retrouver pour une saison ou pour un film pour clôturer. Voilà, mais je pense que dans cette saison, ça va être concentré sur Thrawn, Ahsoka, Ezra, enfin, je pense, hein, je me trompe peut-être, hein, mais j'imagine. Alors, pas peut-être introduire le méchant au final du Mandoverse qui serait justement Thrawn et du coup, la série Ahsoka pour bien expliquer qui il est, etc. Ouais, peut-être. Mais j'ai quand même cette impression où il va revenir quand même. Je pense pas. Enfin, j'espère que ce sera pas comme. Je pense que tout le monde pensait pas qu'il allait revenir. Hein. Ouais, c'est ça. J'espère que ce sera pas. On allait voir la vie de Boba Fett à faire son petit mafieux assis sur le trône, quoi. Par contre, tu pensais pas qu'il allait arriver. Par contre, je sais pas. Est-ce que vous pensez que Moff Gideon est mort ou pas, pour de bon? Ah, je crois que cette fois-ci, ouais. C'est bien dommage. Je trouve qu'il a pas été assez exploité. Ouais, ils auraient pu en faire plus. Par contre, je viens de lire un truc. C'était barbecue party. Ouais, c'était ça, quoi. Bah, après, il y en a qui ont survécu, hein, à pire que ça. Mais par contre, je viens de voir que... Tu parles de Gideon, tu vois, il y a un truc qui m'a gêné. C'est, ils ont parlé des... Tu vois, tu as vu ces clones. Je voyais pas l'intérêt de les montrer. Clairement pas. Ah si, parce qu'ils sont pour préparer le clonage de Palpatine. Oui, mais bon. C'était pour montrer que on avait ça. Mais après, peut-être que ça va revenir après. Hein. C'est possible. Peut-être. Et en fait, le fait que ils aient utilisé la technologie mandalorienne. Alors du coup, ils avaient tous des jetpacks, les stormtroopers et tout ça. Hein. C'était bizarre. J'ai pas trop aimé le fait que. Mais ça existe ça existait déjà avant, hein, des Stormtroopers qui étaient en fait d'anciens Mandaloriens. Qui étaient en jetpack, oui, mais ils ont les mêmes jetpacks, le visage limite, tu vois. Hein, Gideon, il met un casque, tu te dis, il met un casque, il demande à Mandalorien, tu vois. Ça m'a gêné. À propos du casque de Gideon, le jour où il sort, je l'achète. Hein. Parce qu'il est splendide dans la série. Bah, il est très proche du casque de la Death Watch, en fait, hein, avec les cornes et tout. Oui, c'est vrai. Il est très noir, le casque. Ouais. Par contre, je viens de voir que Hayden Christensen était au casting de Ahsoka. Oui. J'avais pas fait attention. Donc, Mais je crois qu'il va, il doit faire des flashbacks ou une grille comme ça. Ouais, probablement, mais il est crédité en tant qu'Anakin Skywalker, sage Dark Vador. C'est ça. Donc, alors peut-être que Olivier a raison, il y aura peut-être quelques flashbacks d'Origin Story. Oui, bah, c'est fort probable, comme on l'a eu dans B1, hein, c'était sympa les petits flashbacks dans B1. Ouais, j'avais bien aimé, moi. Ça passait bien. Oui, oh, oui, ça passait clairement bien. Enfin, franchement. Mais bon, j'ai regardé Ahsoka, ça sort en août. Ouais, c'est ça, ouais. Donc du coup, ça fait... Et en juillet, on ne sait pas ce qui va sortir sur Disney+, du coup, parce qu'ils en sortent à peu près une chaque mois et demi. Oui, on veut vrai. Du Star Wars. Donc après, il y a... Il y a The Acolyte, mais c'est pour 2024, je pense. Il y a quoi ? J'ai pas entendu. The Acolyte, la dernière série, mais c'est pour 2024, celle-là, c'est celle qui se passe dans la Haute République, mais je crois que c'est pour après. Ah oui, mais c'est pas là, c'est pas dans le Mandoverse. Ouais, non, mais c'est après celle-là, je pense. Donc, est-ce qu'ils vont la faire vraiment ? Bah, j'espère, parce que c'est la première série qui devrait être, on est hors sujet, mais c'est la première série de la Haute République. Normalement, il y a des personnages qu'on a dans les bouquins qui vont apparaître là. Ce serait cool quand même. Enfin, moi, ça me plairait beaucoup. Ouais, bah, je pense qu'ils vont attendre les succès d'Ahsoka, entre autres. Ouais, je pense, ouais. Il y a des chances. Alors, on est toujours dans le Mandoverse. Il y a des personnages, j'aimerais bien avoir votre avis si on va les revoir ou pas. Mm-hmm. Et si on les revoit pour vous, dans quelles circonstances? Alors, il y a un personnage, moi, que j'ai adoré. J'ai adoré, je l'ai dit plein de fois. D'ailleurs, je l'aime, mais c'est Bo-Katan. Je la trouve trop bien. Enfin, l'actrice qui l'incarne, elle est incroyable. J'ai vu en VF, moi, pas en VO. Qui était dans Galactica, l'excellente série de science-fiction. Et le Starbucks. Dans la deuxième version, attention. Oui, la version plus récente. Ouais. Battlestar Galactica, tu sais. Ouais, version 2003. Ouais, c'était bien cette série. Elle était dedans. C'est ces genres de vieilles séries. Ça fait vieux, passer quoi. Pour des boomers. C'était. Ouais, ouais, c'est ouais mais le truc, c'est quoi je regardais celle des années 70, en fait, et j'adorais cette série. La première version. Aussi, l'autre fois, je parlais de Code Quantum. Ah ouais, c'était bien ça. Code Quantum, et j'étais avec ma sœur, elle a 23 ans. Et du coup, ils me parlaient de leur série là, sur Netflix. Là, je suis complètement dépassé par cette série-là, par certaines séries. Et je dis ça vaut pas les bonnes séries d'époque le samedi après-midi qu'on regardait ou le samedi soir avec la trilogie du samedi. Donc tu disais le caméléon, tu vois, le caméléon c'était super. Battlestar Galactica, ça c'était pas sur, c'était sur pas sur, c'était chez nous, c'était sur des chaînes câblées. Mais comment, oui, ces vieilles séries. Dans tous les cas, Bo-Katan, moi elle m'a impressionné. Donc justement. Olivier, qu'est-ce que tu as pensé de l'exploitation de Bo-Katan dans cette saison 3? Parce que clairement, elle l'a exploité dans la saison 3, dès le début d'ailleurs. Et à ton avis, est-ce qu'on la reverra et plus tard et dans quelles circonstances? Alors, on peut la revoir dans Ahsoka, je pense, puisqu'elle était dans Star Wars Rebelle de mémoire. Oui. Donc, c'est tout à fait possible. Je pense que c'est plus que probable. Sinon, le personnage, j'ai trouvé très fort dans Le Mandalorian. Je trouve qu'il a presque plus d'importance que Din Djarin. Je trouve qu'elle elle a beaucoup de prestance parce que déjà elle enlève son casque, donc du coup elle est expressive en fait, hein, donc elle dégage plus d'émotions. L'actrice est exceptionnelle, je trouve que c'est un personnage très très fort. J'ai beaucoup aimé dans la saison 3, je trouve. Et toi du coup, Tony? Bah, j'aimais beaucoup le personnage. Elle était vachement bien exploitée, je trouve, déjà dans Rebels. Dans Clone Wars, hein, elle était déjà cool. Juste pour informer certains, c'est que pour certains qui veulent vraiment connaître Bo-Katan, son origin story, il faut vraiment la regarder dans Rebels. Parce que c'est vrai que c'est pareil, elle arrive d'un coup, tu sais pas trop d'où elle sort. Enfin, moi, j'ai ce souvenir là. Bah, c'est déjà dans Clone Wars en fait qu'on apprend qui elle est, hein. Oui, dans Clone Wars. Oui. De toute la famille. Enfin, elle fait partie de la famille dirigeante de Mandalore au moment de la chute de. Enfin, au moment de l'avènement de l'Empire. Donc il y a vraiment des trucs à voir là-dedans. Mais après, ouais, c'est clair que. Ce personnage-là, principalement, c'est dans Rebels qu'elle va être la plus intéressante, avant Mando, évidemment. Mais ouais, elle joue un rôle super important. Le personnage est très badass, franchement. Ouais. Kate Kakoff joue magnifiquement. Dans la distribution, me demande si c'est pas vu comme un personnage principal. Ouais, mais c'est clairement un personnage récurrent. En tout cas, sur la saison 3, c'est devenu un personnage principal. Hein. J'ai regardé la vite fait. Si... De toute façon, Mando. Ouais, elle est considérée comme personnage. Il la ouais. sauve de l'attaque qu'il a eu dans la grotte. Ouais. Il a sorti. Ah ouais, elle est... Là, ici, je viens de regarder saison 3, personnages principaux Pedro Pascal, Kieskakov et Grogu. Bah voilà, bon, voilà. Voilà hein. C'est fait. Elle est aussi importante que le Mando, hein, je trouve. Hein. Ouais. Donc, mais limite, elle prend plus de place dans la série que lui. En fait, le truc, c'est que. C'est ce que je disais, ouais, c'est vrai. C'est là qui est intéressant aussi, c'est de se dire que la série, c'est The Mandalorian. Mais on ne dit pas quel Mandalorian, en fait. Mm-hmm. Tu vois, limite, il mettrait un S, ça ne me choquerait pas, tu vois. On aura ça peut-être The Mandalorians, tu vois. Ça on aura peut-être une surprise un jour. Hein. Ouais, clairement. Donc, et puis, ouais, Kieskakov, elle joue tellement bien. Enfin, je l'avais vu aussi dans une série là qui était pas mal sur Netflix. Another, spatial, Another Life. Spatial. Ouais, c'est ça, Another Life, ouais. Je pense. Ouais, j'avais pas tout vu. Qui était pas mal. Et alors, juste, je viens de me rendre compte en faisant une recherche Google sur The Mandalorian, il y a un petit Grogu qui apparaît en bas à droite de la page Google. Ah bon? Ouais, je suis en train de le voir maintenant. Attends, vas-y. Quand tu cliques dessus, c'est un truc. Et tu tapes quand tu cliques sur quoi? Tu tapes quoi sur Google? Tu tapes juste The Mandalorian sur Google et en bas à droite, il y a un gros coup qui apparaît. Je viens de. Oh, c'est trop fort. Ah oui. Ah, il fait des bêtises, hein. C'est génial. Ah, mais j'avais pas encore vu cette histoire. Tu l'as tapé sur la barre Google? Ouais. J'ai rien, moi. En bas à droite. En bas à droite, t'as pas. Attends. J'ai l'heure. En bas à droite de la page. Non mais j'ai compris. Et si tu te retournes pour regarder ta fenêtre Attends. Non, j'ai pas ça. J'ai pas. Ah bah, t'as tapé The Mandalorian sur Google. Ouais. Bah écoutez, pour ceux que ça marche, un petit commentaire, un pouce bleu comme dit l'autre. Non, ouais. J'ai pas ça. Ah si, il est apparu. Si. Ah oui, mais faut appuyer sur la recherche. D'ailleurs, ah, oui, faut lancer la recherche, oui. Je sais pas si ça marche toujours quand on tapait Thanos, on pouvait faire un snap aussi. Ça effaçait la page. Ouais. Ah, oh, t'as vu, quand tu cliques dessus, il te déplace ton... Ouais. Ah, c'est pas mal. Et si jamais, si vous écoutez des musiques de Star Wars sur Spotify, le player devient un sabre laser. Ah, génial. Ça marche bien aussi. Si vous écoutez les podcasts de MSA sur Spotify, il ne se passe rien. Et ça, c'est beau. Si vous aurez de l'émotion, aurez de la vie, vous aurez... C'est le mec qui suit. N'oubliez pas la cagnotte Litchi aussi. Mais ouais, du coup, on parlait de quoi juste avant? Ça marche aussi si on tape Grogu. Si on tape Grogu, ça marche aussi. Hein. Voilà. Ah, ok. Ah, bah voilà. Je viens de tester. Et Jean Grogu, t'as essayé pour voir si ça marche aussi. Ah, ouais, il fait la force, c'est génial. Ah, c'est trop fort. Donc, il n'y a pas dans saison 3 que Bo-Katan, il y a aussi d'autres personnages qui sont assez récurrents et qui interviennent de temps en temps, dont un qu'on a déjà vu en saison 2, qui est Griff Karga. Qui est aujourd'hui, alors je crois que c'est le gouverneur, on va dire. Le gouverneur. Ouais, enfin, au fil des épisodes, il commence à avoir de plus en plus d'atours sur lui. On dirait presque Barracuda dans. C'est Apollo Creed, Adrien. Ouais, c'est Adrien. Il faut les boucles, pas les boucles, les colliers en or. Alors, du coup, Tony, t'as bien aimé quoi, ce qu'ils ont fait devenir ce personnage-là? Bah c'est un personnage un peu secondaire mais qu'on voit assez souvent. Au final c'est pas mal ce qu'ils en ont fait. Il est utile un peu, enfin voilà, c'est un peu un donneur de quête, tu vois. T'as l'impression qu'il y a un point d'exclamation, t'as Dean qui arrive et puis ah je vais prendre ma quête et puis je vais venir la rendre, tu vois. T'as l'impression d'être dans un RPG quoi. T'as à peu près, si tu parles de quête, t'as l'impression que des fois les épisodes il fait que des quêtes secondaires, Mando. Ouais c'est ça, ouais. C'est vraiment ça. C'est vraiment l'impression que ça donne. Là, il y a une belle quête secondaire quand même. C'est lorsque les pirates interviennent. Là, alors je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode-là, mais moi j'ai adoré. Ah, j'ai. Bah, de toute façon, pareil, bon, c'est une claque visuelle. Hein. Ouais. Ah, ouais, quand ils arrivent, ils sautent tous du ciel là. Puis, moi j'ai adoré. Et la scène avec le sort de drap, je sais quoi, c'est pas un dragon, mais une sorte d'oiseau géant là qui capture. C'est méga impressionnant, hein, franchement. Ouais, ça marche bien. Ça marche très, très bien. Honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont pris vraiment la série au sérieux. En mode, bon, allez, ce coup-ci, on y va. On s'y met à fond et on met de l'argent dedans, quoi. C'est vraiment l'impression que ça m'a donné de voir ça. J'ai l'impression qu'ils ont doublé le budget effets spéciaux, quoi. Honnêtement, sur le combat avec le vaisseau pirate, il est incroyable. Il faudrait qu'ils fassent la même chose en effets spéciaux avec She-Hulk. Ça serait pas mal. Parce que... enfin, c'est peut-être pour ça que She-Hulk a été comme ça, qu'ils aient pris tout le budget. C'est possible. Ils ont pris tout le budget, donc c'est... C'est vrai que Chirac, bon. C'était quelque chose, hein. Visuellement. Ouais, elle était mal faite. Enfin, moi, j'ai bien aimé la série, mais... Enfin, j'ai bien aimé, mais j'ai pas... J'ai... Enfin, les effets spéciaux, enfin, c'était ridicule, quoi. Je sais pas si à un moment, ils se sont pas dit... C'était un problème au niveau des effets spéciaux. Mais elle a pas été virée, là C'est elle qui était responsable des effets spéciaux dans les séries sur Disney+. Ah, je sais pas. Sur Disney. Je crois que... Je vais regarder vite fait, mais... Mais voilà. Bon... Voilà, on va pas en dire plus parce qu'on attend de voir quand même pour le Mandoverse parce qu'on a d'autres sujets, notamment, je voulais vous parler de ça, c'est que tu en as parlé tout à l'heure, Tony, il y a un film qui va clôturer cela. Ils l'ont annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Alors, il n'y a qu'un film de prévu, je crois, il n'y en a pas plusieurs. Oui. Donc, et c'est un film au cinéma, donc on ira voir cela, mais bon, ils n'ont pas de date, hein, je ne crois pas qu'ils aient une date. Non, il n'y a pas de date parce qu'on ne sait pas encore en fait ce qu'il va y avoir, enfin tout ce qui doit y avoir lieu avant le film en fait. Donc on ne sait pas s'il n'y aura peut-être pas encore 3 ou 4 saisons de Mando, 5 ou 6 saisons d'Ahsoka, Skeleton Crew saison 1 à 8 avant d'avoir le film. Donc on sait qu'il y a un film qui est en préparation. Alors évidemment, s'il commence déjà à en parler maintenant, c'est pas pour l'avoir dans 15 ans. Donc à mon avis, ça pourrait arriver un peu plus tôt que ça. Mais ouais, on peut peut-être l'avoir dans 2, 3, 4 ans. À mon avis, je ne le vois pas arriver avant 4 ans. Pour moi, 4 ans, c'est un minimum parce que le temps de faire la pré-prod, même plus que ça, parce que 4 ans c'est un minimum quoi. Mais même peut-être plus que ça parce que s'il y a une, ils ont pas, enfin il y aura, je pense, une saison 4 de Mandalorian et une gros goût, peut-être même plus. John Favreau a dit que pour le moment il ne voyait pas arrêter le Mandalorian. Oui, c'est ça. En même temps, c'est la poule aux œufs d'or. Oui, non, mais il le dit clairement. La poule aux œufs d'or. Tu vas à Disneyland Paris, ça se vend comme du petit pain, les peluches, les tasses. Le costume, il était trop bien. Deux non, heures vrai. De film, ça mais j'étais vend, tellement ça heureux. Ça se vend constamment. T'imagines, ouais, c'est clair, ça marche tellement ça marche. Bien. Ouais. Donc, bah, regarde tout le merch qui se vend sur ça, c'est incroyable. Hein. Ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais quand tu rentres d'ailleurs. Oui, on est des moutons et on assume. Voilà. Ils sont en train de me montrer leur mandat, leur gros goût. Jean Grogu. Non, c'est vrai que je pense qu'il y aura encore, à mon avis, le minimum, ce sera une saison de Mando avec celle de Ahsoka, etc., tu vois, pour l'année prochaine. Et est-ce que la saison 4, l'année prochaine de Mando ? Enfin, fin de l'année prochaine, tu vois, fin 2025, ouais. Fin 2024, je pense que c'est possible que ça arrive. Parce que là, il faut savoir, donc cette année, on a Ahsoka en août, techniquement, Skeleton Crew fin d'année. À mon avis, Skeleton Crew, vu le synopsis qu'on a maintenant, on va pas. Comment ? On va pas l'avoir. Enfin, il va pas y avoir de lien avec le reste du Mandoverse tout de suite. Je pense qu'il faudra attendre une éventuelle saison 2 pour avoir le lien. Et peut-être potentiellement après ça, le film pourrait commencer à arriver. Mais je vois déjà bien au moins 2 saisons de Skeleton Crew, 2 saisons d'Ahsoka et peut-être une saison de plus de Mando avant d'avoir le film. Et peut-être une autre série. De toute façon, faut pas s'emballer parce que tout va dépendre du succès des séries. Hein. Ah oui, c'est clair. Hein. Parce que ouais, ça va. Si tu mets du Grogu, du Mando, tu mets des piou-piou, ça passe. Hein. Ça devrait. Mais la saison 3 a été quand même mal reçue par la critique. Hein. Ah bon ? Ouais. Si. C'était nul. Moi j'ai adoré. Ah, hein, mais pas top, quoi. Mais la saison 3. Ça a été mal reçu. Hein. Ça a été mal reçu, ouais. Les gens étaient déçus. Il faut dire ce qu'il y a. Il y a pas mal de filles qui sont adorées et de séries qui sont adorées et qui sont pourtant pas terribles. Hein. Donc c'est toujours pareil. Oui, bien sûr. C'est sûr. Je veux dire, tu vois la série Moon Knight qui a été mal reçue par la critique et au final, c'est ce qu'elle a cartonné sur Disney+. Tu vois, donc... Ouais. Cartonné, je suis pas sûr qu'elle a cartonné. Hein. Ah, si, quand même. Hein. À mon avis, elle a fait ses cartons pour pas faire une saison 2 en fait. Hein. Ouais, y a pas de... Je dis, il y en aura une de prévu. Non, je sais pas, je sais pas. Honnêtement, je sais pas trop, mais moi, j'ai pas été super fan de la série, honnêtement. Moi non plus, j'ai pas. J'ai passé un bon moment à la regarder, parce que je regarde tout le MCU comme je regarde tout Star Wars. Et Olivier, il en pense quoi ? Parce que je lui ai pas demandé, moi, il faut que j'invite. De quoi ? Pas le Olivier numéro 1. L'autre Olivier. L'autre Olivier. Le numéro 2. Il en pense quoi, lui De Moon Knight. Ouais. Je sais pas trop. Je sais même pas s'il l'a regardé. Je crois qu'il doit l'avoir, vu quand même, mais on en a pas et, trop. Et, donc, et du coup, le Mandalorian, saison 3, il a bien aimé, ouais. Il m'avait dit qu'il a bien aimé. Mais après, ouais. Il va regarder ça un peu en mode casual, tu vois. Quand t'as appris qu'il y avait Throne, t'as fait waouh. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qui? C'est qui le gars en bleu? C'est qui le gars en bleu? C'est qui le gars bleu? C'est Thanos. C'est le Thanos de Star Wars, c'est tout. Ouais, voilà. Potentiellement, ouais. Mais je dis, à mon avis, j'ai cette impression-là, tu vois, qu'ils vont faire comme les Avengers. Ah, ce serait pas déconnant, ça pourrait bien marcher, en fait. Hein. Ouais. T'imagines-toi, Boba Fett, Bo-Katan, Mando, Ahsoka, Ezra, IG-11, le retour. Et Luke, on n'en a pas parlé, mais je pense que Luke il va revenir. Oui, je suis certain. Luke, ouais. J'espère. J'espère sincèrement qu'il va revenir. Il va revenir en image de synthèse, mais peut-être. Oui. Oui, c'est sûr. Ouais. Donc, Luke, ça sera le Captain America de Star Wars, en fait. Voilà. Ouais, potentiellement, oui. Mais non, il y a, enfin ouais, je pense qu'il y a de la place pour lui, hein, dans la série. Et peut-être même plus dans Ahsoka, parce que dans Ahsoka, on l'a vu dans la bande-annonce, on va avoir alors. Est-ce que ce seront des Jedi noirs ou on ne sait pas trop encore, vu qu'ils ont les sabres orange, on ne sait pas trop qui ils vont être. Mais donc on va avoir des utilisateurs de la Force, c'est certain. Est-ce qu'ils vont peut-être du coup provoquer Luke ou essayer de le retrouver ou quelque chose. Il y a du potentiel, quoi. Il y a du potentiel pour le revoir. Ah oui, ils peuvent. Il peut faire tellement de choses que. Donc, ouais. Surtout quand l'image en synthèse, il passe, quoi. Enfin, maintenant qu'ils l'ont fait. C'est passé, hein, quand tu regardes la saison 2. De... Ouais, ça passe bien. Rien, ça... Franchement, c'est passé. Hein. Bah, quand tu vois ce qu'ils font maintenant avec Indiana Jones, Harrison Ford, si tu le sais pas, tu vois que du feu. Hein, Harrison Ford, c'est le seul mec qui échappe à une attaque nucléaire dans un frigo. Oui. Voilà. C'est Indiana Jones, c'est Indy. Est-ce que George Lucas a validé ça? Je pense pas. Hein. Voilà. Non, je pense pas. Ça c'est bien problématique au final. Voilà. Ça, c'est quand tu as vu ça, tu. Oh non. Pourtant, après... c'est Spielberg. Ah, c'est, c'est Spielberg, hein, pourtant. Ouais. Ouais. Bah, il a pas fait que du bon. Hein. Ouais. Ouais. Notamment. Pourtant, il fait des trucs bien. Bah, le Indiana Jones 4, franchement, ça se regarde avec plaisir, faut arrêter. Bah, tu passes un bon moment, mais c'est pas celui que j'ai regardé 50 fois, quoi. Non. C'est pas plus idiot qu'il survive à une attaque nucléaire que. Je l'ai pris au second degré, ça. Qui saute d'un avion avec un bateau gonflable et puis qui se retrouve dans une rivière sain et sauf. Hein. Non, mais ça passe comme c'est vrai. C'est vrai. C'est Indiana Jones, quoi. Oui, voilà. Ouais. Bah, c'est Papy Jones, là. Hein, parce que là je sais pas ce que ça va donner les 5. Hein, parce que... Ouh, j'ai de l'arthrite. J'avoue que j'ai un peu peur quand, hein, ouais. J'ai un petit peu peur. Ce qui est drôle, c'est que genre, il fasse un truc comme quoi il se lève de son lit, il met le dentier. Bah, déjà, dans la bande-annonce, tu le vois un peu, hein, quand il est dans le métro et tout, tu te dis, bon, il est pas super en forme, quoi. Sur son canapé. Non, mais aussi. Par contre, Harrison Ford, c'est un super acteur, quoi. Ah ouais. Regarde, quand il jouait Han Solo, moi j'avais adoré. Enfin, dire qu'il est vraiment. Quand tu connais l'histoire, comment il a pu être Han Solo, quand tu connais l'histoire, tu dis. Surtout qu'il déteste le personnage. Hein. Ouais, c'est ça. Il n'en voulait pas. C'est lui qui a demandé qu'il pouvait revenir dans l'épisode 7, à condition qu'il meure. Bah, à la base, il voulait déjà mourir dans le deuxième film. Hein, dans le deuxième. Qu'il a fait. Hein. Ah, je crois que c'était dans le Jedi, Retour du Jedi. Ah, tu as peut-être raison. Non, il voulait déjà mourir dans l'Empire contre-attaque, en fait. Voilà, il meurt bien. De dire, il voulait mourir, quoi. C'est trop fort. Tuez-moi, j'en veux plus de ce personnage qui me colle à la peau. Celui qui colle franchement à la peau, parce que tu regardes Indiana Jones, c'est plus lui qui lui colle à la peau que Han Solo. Oui, mais je pense que c'est plus Indy qui lui colle dessus. Ouais. Et il a pu faire Indy grâce à Han Solo. Hein, donc. Mais Han Solo, c'est pas là où ils l'ont recruté parce que je sais plus, il faisait des travaux chez. La légende raconte qu'il était charpentier. Oui, c'est ça. Et il fallait qu'il fasse des boulots. Comme Jésus. Voilà. Ouais, mais apparemment, ce serait pas vrai. Mais en fait, le truc, c'est qu'il y a des gens qui disent que c'est vrai. Apparemment, lui aurait dit dans une interview que c'était pas le cas. Donc, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, on sait pas trop, quoi. La légende est belle, l'histoire est belle, en fait. Et c'est ça, je pense que, enfin, honnêtement, c'est ça que je retiens. L'histoire est belle et pourquoi pas, tu vois. Ouais, voilà, faut rêver. Faut rêver. Han Solo était charpentier de base. On va faire ça. Voilà. Donc, on va clôturer. On en reparlera, je pense, quand on aura vu Ahsoka. Après, ou pendant, je vais voir, je sais plus comment j'avais fait, je crois que j'avais fait un mi-saison et après. On avait fait un à la mi-saison, ouais, je pense. C'est ça, bon, on va faire ça à la mi-saison et puis à la fin. Oui, on avait fait ça avec Mando, avec Bad Batch. Ouais, c'est juste ça. On fera un épisode de mi-saison et un épisode de fin de saison. On va clôturer, je crois qu'on a brassé un peu à peu près, parce qu'il faut savoir que le Mandoverse, c'est quelque chose qui est récent, on entend parler récemment, c'est pas quelque chose qui était écrit dès le départ. Bon, bref, dans tous les cas, c'est quelque chose de récent. On va parler de quelque chose, je sais, Tony, ne pleure pas, s'il te plaît, Olivier non plus, ne pleure pas. Il fut un temps, un hôtel était ouvert. Ah, et je me rappelle de Tony, qui me disait, je veux y aller, je mettrai mon PEL, je vais craquer tout, je veux y aller à 5000 balles la nuit, je veux aller à cet hôtel, Star Wars, alors c'est le cruiser, je sais plus comment Galactic il s'appelle. Star Cruiser. Galactic Star Cruiser. Mmh. Alors, Tony, je suis désolé. Olivier, peux-tu dire ce que c'est ce que, on n'est pas d'accord avec Tony. Tony n'a pas dit. Tu l'attendais pas, toi, cet hôtel-là? Ah, si, si, justement, je l'attendais. Alors, quand je l'ai vu arriver, j'étais très déçu. En fait, le projet, c'était de créer un hôtel sur le thème de Star Wars qui était très immersif, c'est-à-dire qu'on est transporté dans un vaisseau spatial et on vit dans l'espace, dans l'univers Star Wars. On fait partie d'un équipage dans l'espace. C'est ça, donc on faisait des entraînements de sabre laser, je crois, dedans, non? Oui, voilà. Notamment, sur le papier, ça me faisait vraiment rêver et j'ai pas pu résister quand ça a ouvert. J'ai regardé les vidéos des youtubeurs qui faisaient la visite de cet hôtel. Juste pour info, c'était jusqu'à 6 000 $ la nuit, je crois, hein, pour 4 personnes. Même à 3 000 $, ça aurait été beaucoup trop cher. Alors, c'était pas la nuit, c'était trois jours, oui, c'est ça. Et puis quand j'ai vu ce que c'était, en fait, c'est un escape game de luxe, quoi. Enfin, moi ça m'a pas plu. Ouais. Enfin, ça plaît pas à Tony. Ça plaît pas. Je vois Tony là qui tourne de l'œil, ça lui plaît pas. Il y a un côté roleplay en fait, hein, qui était fort important, mais le truc c'est qu'apparemment les gens jouaient pas trop le jeu, donc oui, ça faisait un peu escape game, comme tu dis. Mais je pense que, enfin, si moi je l'avais fait, je me serais vraiment mis à fond en mode roleplay, tu vois. Ah mais pareil. Mais ce que je veux dire, toi, l'activité que tu fais dans la salle des machines. Oui, oui. Franchement, c'est ridicule. Je suis d'accord. Les cours de sabre laser, c'est ridicule. Mais le truc, c'est que ça a l'air ridicule en vidéo. Maintenant, peut-être qu'en le faisant, c'est plus sympa. Mais on ne peut pas savoir. Et on le saura jamais. Oui, on ne le saura jamais. Mais à moins que, peut-être, si quelqu'un de Disney nous écoute, je veux bien venir tester, voir si c'était bien. Voilà. Honnêtement, c'est pour rendre service, les gars. Hein. C'est vraiment... voilà. Si je peux aider. Fallait avoir une cagnotte litchi bien fournie. Dépêchez-vous de la remplir avant le 20 septembre, je crois, ou 23, je ne sais plus. De toute façon, c'est trop tard. Il est sold out. C'est ça le truc, c'est qu'ils ferment alors qu'ils ont. Donc cet hôtel va fermer. Voilà. On y va. Mais en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient un peu pour le faire. Et au final, le fait qu'ils aient annoncé qu'il allait fermer, ça a bourré les gens vers l'hôtel, en fait. Pourquoi il ferme, Olivier, cet hôtel? Mais dis-nous tout! Parce qu'en fait, non, il y a eu des périodes où il y a eu beaucoup d'annulations. Il y a eu des périodes où... Bah, où il fermait. Hein. Où il fermait, carrément. Donc, ça sentait le... Après, je trouve ça dommage. Ils auraient pu... De 3 nuits. Oui, c'est beaucoup trop cher. Pour ce que tu sais. Et puis, tu vois, par exemple, ce qui était génial, il y avait des Stormtroopers qui se baladent dans l'hôtel. T'as 2 Stormtroopers. Ouais, mais ils en vaut 100, moi. Non, mais non. Enfin, en plus, c'est des Stormtroopers du premier ordre, je suis désolé. Oui, voilà. Même à Disneyland Paris, quand ils se baladent, ils sont plus que ça. Enfin, désolé. Ouais, c'est vrai que même à DLP, il y en a plus. Même à DLP, Et encore, juste le 4 mai. C'est ce que j'ai entendu. Ah, mais non, non, j'ai vu là, aujourd'hui, il y en avait sur le parc. Hein? Il y a des Stormtroopers qui sont. Non, mais ils étaient en grève. Et la dernière soirée passage, ils étaient en grève, ils ont pas eu la solde. Ouais, c'est vrai. Les Stormtroopers. Donc, ils sont assez souvent, mais. Non. D'ailleurs, si vous voulez en voir, allez voir le vlog d'Olivier sur le 4 mai. Exactement. Voilà. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, ma fille a regardé, j'ai dû mettre en boucle les 10 secondes du film R2-D2. tu sais que j'ai une chance pas croyable, hein, parce qu'en fait, j'étais posé dans un coin, j'ai vu des gens se lever et il était juste à côté de moi, en fait. Parce qu'après, il paraît que c'était impossible de le voir. Quoi. Ouais, c'est à chaque fois qu'il sort, c'est difficile. Moi, je l'ai vu à la soirée Halloween. C'est pas croyable. Et ouais, franchement, t'as eu du bol. Ouais. Et alors ? Ça t'a rendu. Franchement, ouais. Je prie pour qu'on ait un land Star Wars fasse un land mandalorien, pourquoi pas. Ah, le fameux troisième land. Dont on ne sait pas ce que c'est. Enfin, si, on sait officiellement, mais. Oui, il y a les rumeurs comme quoi il ferait ça dans le parc principal, derrière. Ah oui, il y a derrière Star Tour. Derrière cette... Ah oui, donc derrière, là où il y avait le restaurant avec les pizzas. Le Pizza Planet, ouais. Après, ils sont en train de construire un parking pour les Casper derrière. Donc, Ouais, mais après, un parking, c'est vite. Ouais, mais est-ce qu'il est immersif, ce parking? Bah écoute, donc faut croire que c'est un parking. Voilà, si on parle d'immersion en disant parking, moi je pense tout de suite à Backlot. bon voilà, hein, c'était pas. Voilà, c'est fait. C'était pas bon, dans tous les cas, on va venir à nos moutons, cet hôtel-là. Désolé, Tony, ne pleure pas. Après un an et demi d'ouverture, il ferme. Voilà. Échec commercial ou pas, Olivier? Bah bien sûr, c'est un échec commercial, mais. Bah c'est pas ce que j'en avais annoncé. Bah pourquoi il le ferme alors? Parce qu'ils disent que, alors je lis, hein, qu'en le fermant, ils souhaitent offrir des expériences immersives à une échelle plus grande. Non, ou alors peut-être qu'ils vont revoir le concept. Je les vois pas mettre tout ça à la poubelle, en fait. Mais ça a coûté cher, en fait. Même si l'exploitation leur coûte très cher avec les castes qu'il faut pour opérer, entre guillemets, l'hôtel, ça revient très cher. Mais malgré tout, le parc en lui-même a coûté très très cher à fabriquer. Enfin, l'hôtel, pardon, pas le parc, a coûté cher à fabriquer. Donc, potentiellement, il y a beaucoup d'investissements qui risquent de se perdre, en fait. Donc, à mon avis, ils ne vont pas perdre l'espace, mais ce qu'ils vont en faire, ça... Bah, ils peuvent en faire juste un hôtel, moi, tu vois, sans... Ouais, avec peut-être des mini-animations, des trucs comme ça, mais c'est un hôtel de 100 chambres, tu vois. C'est pas... Bah oui, bah après, c'est vrai que tu te dis, t'as fait 100 chambres, t'as mis je sais pas combien d'années pour le faire, tu l'ouvres post-Covid en espérant faire le plein... Tu fais pas le plein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. Dis, est-ce que je dois tout fermer, ouais, machin, pour. Clairement, c'était le prix. Ils peuvent pas le déthématiser. C'est mort. Et c'est ça. Ça sentait un pognon de dingue. Ça sentait pas bon dès le départ, parce que quand il avait présenté dans une émission télé aux États-Unis, il y avait un présentateur. Ça avait fait tout un scandale, parce que les gens trouvaient ça vraiment pas terrible. Ils trouvaient le vaisseau, les couloirs du vaisseau, que ça ressemblait pas à Star Wars. Dès le départ, les gens avaient été un petit peu déçus. Et c'est surtout. Et la nourriture, est-ce que c'était vraiment de la bouffe, enfin, tu sais. Ça avait l'air pas mal, ça, apparemment. Ouais, ça, d'accord. C'était assez bien aimé, apparemment, ouais. Et bon, puis, bah, tant mieux. Ouais. Parce que c'est la vie, hein, la nourriture, dès le Disney. Donc, C'est clair. Et puis c'était compris dans le prix, je crois, quand même. $6,000. C'était un dollar, heureusement. À $6,000, t'as intérêt que ce soit compris dedans, parce que le tarif, il est quand même exorbitant. Voilà. Sur ce, je crois qu'on a fait le tour. De toute façon, on va se retrouver pour le mid-season d'Ahsoka. Donc, au mois d'août, c'est quoi, fin août ou pas? Ça commence au courant août. Donc, ouais, on a vu peut-être fin août, début septembre, je pense. Fin août, début septembre, et un autre plus vers fin septembre. Ok. En tout cas, merci d'avoir partagé ce moment. Tony, c'était bien de parler Star Wars. On peut encore en parler plein de fois. On peut encore faire un podcast de 6 heures si tu veux. Hein. Il est tellement passionnant à écouter, Tony, quand il parle de Star Wars. Ah, c'est ouverte sur Star Wars. Ça fait plaisir. Mais il a tout. Il a les BD, les livres, les figurines Lego, du coup. Voilà. Ouais, j'avoue que... C'est un fan hardcore. Je crois que la rumeur dit qu'il habille même sa femme en Seigneur Sith. Alors, le jour où j'ai déjà regarder tous les Star Wars, déjà je serai content, tu vois, parce qu'elle n'est pas du tout Star Wars. Chérie, mets une capuche noire. As-tu un sabre laser chez toi? Eh bien non, étonnamment, ouais. Parce que en fait le truc c'est que si j'en prends un, je veux vraiment le top du top, et niveau budget c'est un peu cher. Et en fait là maintenant je... qui coûte 200... Ouais, 300, je sais, je crois. Mais en fait là pour l'instant je vise celui que je pourrais faire à Galaxy's Edge quand j'irai. Je vise celui-là pour le moment, et donc du coup je n'ai pas de sabre laser. Enfin si, après j'en ai des petits, tu vois, mais un vrai beau sabre laser à exposer, j'en ai pas. Lequel Galaxy Edge? Californie ou Floride? Je sais pas encore. À mon avis, vu madame, ce sera plus Floride, mais j'avoue que Californie me tente très bien quand même, mon premier. Ouais. Voilà. On sait pas encore trop, on verra bien. Il y en a un qui est plus grand que l'autre, non? Les Galaxy's Edge sont les mêmes. C'est un peu plus similaire. C'est à peu près les mêmes, ouais. C'est vraiment le reste du parc qui est différent. De toute façon, on en aura un chez nous bientôt, Tony. J'aimerais que le Star Tour, il y aurait des nouvelles comment... Oui, c'est confirmé. Il y aura des nouvelles scènes, ouais. Donc, ouais. Mais on ne sait pas c'est sur quoi d'ailleurs. Peut-être sur Mando. Je crois qu'ils avaient l'air de... King Grogu. Non, ils n'ont pas vraiment. Ils ont pas annoncé les thèmes, mais on sait qu'on aura des nouvelles scènes. Ouais. Mais après, ouais, à part le Mandalorian, il n'y a pas grand chose d'autre. Nouvelles scènes, ouais, ça peut être. Bah, ils ont quand même prévu une nouvelle trilogie. Ouais, c'est déjà la sixième qu'ils prévoient, je pense. Pardon, ouais, mais l'attraction va être mise à jour avant. Oui, la mise à jour de l'attraction, c'est peut-être pour l'année prochaine, je pense. Hein. C'est, ouais, c'est dans ça, pas très longtemps. Oui, c'est assez proche. Ouais. Pour en 2024, je crois. Ouais, je crois. Ouais. Donc, est-ce que la nouvelle, est-ce qu'en fait ils ont prévu une nouvelle trilogie au cinéma, à mon souvenir, qui est annoncée, et d'ailleurs c'est la suite directe où Rey elle va former alors, des Star Wars. C'est 20 ans plus tard. Ce sera un film centré sur Rey avec. En fait ils ont annoncé 3 films pendant la Star Wars Celebration, donc le film de Mando, le film sur Rey qui se passe 20 ans plus tard avec son Académie Jedi à elle. Non, ce serait pas une nouvelle trilogie. Alors, après l'Académie Jedi là-bas qu'on aurait voulu voir, c'est ce qu'on voulait voir avec Luke depuis des années. Hein. Ouais, des années, ouais. Tant pis. C'est James Mangold, je crois. Avant de se passer ce qui se passe. Ouais, je crois que c'est celui-là, ouais. Avant de se passer. Je crois que c'est celui-là. Et alors, il y en a un autre qui serait plus côté de la Haute République ou un truc comme ça, je pense. Non, avant ça, c'est sur l'origine des Jedi. Donc, inspiré du roman L'Aube des Jedi, qui est très très bon roman aussi, Legends, je vous le conseille, qui explique vraiment la genèse de l'ordre Jedi, avec les règles qui ont été établies, etc. Très très bien, très chouette. Donc, ça pourrait être aussi super intéressant à voir comme film, je pense. Il y a des trucs sympas, alors, je pense, à découvrir. Bon, bah on verra ça, en tout cas. Mais on n'a pas de date de sortie, en tout cas. Non, rien du tout. Hein. Des annonces comme ça, c'est des trucs que tu n'auras pas avant 5-6 ans. Ouais. Parce que là, ils ont annoncé les trucs, puis maintenant, ils vont devoir décider lequel on fait en premier. Et puis, une fois qu'ils auront décidé ça, il y aura la pré-prod, la prod, la post-prod. Tu en as pour un moment. Et honnêtement, je préfère attendre 6 ans qu'il fasse un truc bien que plutôt de bâcler le film, en fait. Tu vois. Mmh. Oui, mais bon. Faut voir aussi, est-ce que les annonces comme ça, je m'en méfie. Hein. Ouais, c'est risqué. Vous savez, est-ce qu'en fait, ils te balancent ça on pense faire ça, mais bon, c'est sûr, ça va être fait, mais on pense quand même que, voilà, c'est pas... Ouais, voilà. Vous avez fait le scénar? Non. Vous avez le script? Non. Bon. On a les acteurs déjà? Ok. C'est pas mal. En tout cas, merci les copains. Olivier, je te dis à tout à l'heure, parce qu'on va enregistrer à 21h. Okay. Moi, j'ai pas fait mes devoirs. T'as pas fait tes devoirs, toi, t'es fini. Ah, j'ai pas encore vu le film. C'est dommage, il intervient. Dommage. Mais je sais. Celui-là, je pense qu'il va dire au moins 2h30. Bonheur, c'est pas mal déjà. Voilà, je vous remercie. Tony, petite actualité. Alors, ça va passer fin juin, début juillet. Donc, l'actualité, c'est que MSA, du coup, est-ce qu'il y a une pause estivale? Oui, on fait une petite pause estivale, mais normalement, vous aurez. Alors. Courant juillet, une version, un épisode spécial sur Indiana Jones, dont on va parler un peu, vu qu'il sort cet été, et peut-être aussi un sur la Haunted Mansion. On ne sait pas encore trop si on va en faire un, deux, etc. On verra bien ce qu'on en fait. Mais ouais, donc voilà, ça c'est pour cet été. Voilà, voilà. Et Olivier, donc, est-ce qu'il y a une pause vlog l'été ou non, ça vlog encore? Il ne s'arrête jamais. Ça va vloguer cet été, mais pendant mes vacances, je vais m'arrêter, oui, effectivement. Il ne s'arrêtera pas. On verra sur sa terrasse. Je mettrai des fonds. Il sera avec Laurent, parce que moi, j'ai les dessous. Parce que, ouais, bon, Tony, tu les as vus la veille, moi, j'ai vu le lendemain. Moi, j'ai vu les dessous de Olivier et Laurent en intimité à se mettre sur le côté. Ah, c'est vrai qu'ils sont très intimes. J'ai même pris une photo, les dessous de leur. Les dessous, je parle pas de leurs sous-vêtements. Mais... T'as pris leurs dessous en photo. C'est bizarre. Ouais, exactement. Chut, faut rien dire. Moi, j'ai vu les dessous de l'enregistrement. Voilà, nous, on va continuer à vlogger cet été, c'est sûr. Bon, je suis persuadé. Ah oui, je vais vlogger cet été, oui, mais je pense que je vais quand même faire une pause. Pendant mes vacances, je ne vloguerai pas. Tu ne vlogueras pas. Tu vas pas à Disney pendant tes vacances? Mais quand je suis avec mes enfants, je filme pas. Tu filmes pas? Ouais, ouais, c'est mieux. C'est bien, ouais. Ouais. Puis en plus, ça te permet de profiter de l'instant. De profiter, et puis voilà, j'ai pas envie de. Voilà. Ouais, t'as raison. En tout cas, bon, il y aura peut-être des vlogs cet été, on verra. Parce qu'on enregistre le 1er juin, donc on verra si dans un mois et demi, ça va vlogger. En tout cas, merci les gars. On va se retrouver pour un autre épisode bonus, du coup, en mi-saison de Ahsoka. Et puis, je sais pas, ils ont prévu d'épisode 8 peut-être? C'est 8 ou 10, je pense. Bon, on fera un mid-season à peu près, et puis ensuite un final de saison, et on verra si vous aviez raison ou si j'avais raison. Est-ce qu'il y aura Mando ou pas? On verra. Moi, je pense qu'il y aura au moins Boba Fett. Je suis pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Je pense qu'il y aura Bo-Katan, mais je suis pratiquement certain. Mais... Ouais, Bo-Katan, oui. Oh, Bo-Katan. Tant de chance. On peut en parler de Bo-Katan. Et sûrement Luke, j'espère, Luke. Ce serait bien, oui. Ouais. Ce serait une belle surprise. Oh, écoutez, on est le 1er juin, on s'écoutera. J'essaierai de réécouter. Oui, c'est ça. On verra si on s'est complètement foiré. Et là, t'as Yoda qui arrive, tu sais pas d'où il sort. Tu sais, vous avez fait quoi, lui? Faire voilà. Revenir Han Solo et tout. C'est ça. On a rien compris. En tout cas, merci les gars. Merci à toi. Écoutez, de rien. À bientôt tout le monde. Merci pour votre écoute. Et puis, en espérant que cet épisode bonus vous a fait plaisir. Bye.